Ésaïe chapitre 38. En ces jours-là, Ézéchia fut malade à la mort, et Ésaïe le prophète, fils d'Amos, vint vers lui, et lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, dispose de ta maison, car tu t'en vas mourir, et tu ne vivras plus. » Alors Ézéchia tourna sa face contre la muraille, et fit sa prière à l'Éternel, et dit, « Souviens-toi maintenant, je te prie, ô Éternel, comment j'ai marché devant toi en vérité et en intégrité de cœur, et comment j'ai fait ce qui t'était agréable. » Ézéchia pleura abondamment. Or la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe, en disant, « Va, et dis à Ézéchia, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je m'en vais ajouter 15 années à tes jours, et je te délivrerai de la main du roi des Assyriens, toi et cette ville, et je garantirai cette ville. Et ce signe-ci t'est donné par l'Éternel, pour faire voir que l'Éternel, accomplira cette parole qu'il a prononcée. Voici, je m'en vais faire retourner l'ombre des degrés par lesquels elle est descendue au cadran d'Achaz, de 10 degrés en arrière avec le soleil. Et le soleil retourna de 10 degrés par les degrés par lesquels il était descendu. Or c'est ici l'écrit d'Ézéchia, roi de Juda, touchant ce qu'il fut malade, et qu'il fut guéri de sa maladie. J'avais dit, dans le retranchement de mes jours, je m'en irai aux portes du sépulcre, je suis privé de ce qui restait de mes années. J'avais dit, je ne contemplerai plus l'Éternel, l'Éternel, dans la terre des vivants, je ne verrai plus personne parmi les habitants du monde. Ma durée s'en est allée, et a été transportée d'avec moi, comme une cabane de berger, j'ai tranché ma vie comme le tisserand coupe sa toile, il me coupera d'elle épaisse, du matin au soir tu m'auras enlevé. Je me proposais jusqu'au matin qu'il était comme un lion, qu'il briserait ainsi tous mes os, du matin au soir tu m'auras enlevé. Je grommelais comme la grue et comme l'hirondelle, je gémissais comme le pigeon, mes yeux défaillaient à force de regarder en haut. Seigneur, on me fait force, sois mon garant. Que dirai-je? Il m'a parlé, et lui-même l'a fait. Je m'en irai tout doucement, tous les ans de ma vie, dans l'amertume de mon âme. Seigneur, par ces choses-là on a la vie, et dans tout ce qui est en ces choses, consiste la vie de mon esprit, ainsi tu me rétabliras, et me feras revivre. Voici, dans ma paix une grande amertume m'était survenue, mais tu as embrassé ma personne, afin qu'elle ne tombât point dans la fosse de la pourriture, parce que tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Car le sépulcre ne te célébrera point, la mort ne te louera point, ceux qui descendent dans la fosse, ne s'attendent plus à ta vérité. Mais le vivant, est celui qui te célébrera, comme moi aujourd'hui, le Père conduira les enfants à la connaissance de ta vérité. L'Éternel m'est venu délivrer, et à cause de cela nous jouerons sur les instruments mécantiques, tous les jours de notre vie, dans la maison de l'Éternel. Or Ésaïe avait dit, qu'on prenne une masse de figues sèches, et qu'on en fasse une emplâtre sur l'ulcère, et il guérira. Ézéchia avait dit, quel est le signe que je montrerai en la maison de l'Éternel?